équilibré en faisant preuve de modération afin d'être disponible pour la prière. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour garde le silence sur un grand nombre de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, de la grâce particulière, et qu'il l'exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu, que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes choses, dans toutes ces choses, de manière à ce que la gloire en revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. Le deuxième verset qui fait partie de la réflexion aujourd'hui, c'est ce verset où Jésus dit « Car de même le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon de beaucoup. » Donc, ces deux versets-là, un qui concerne le Seigneur lui-même et son exemple à notre égard, et aussi donc de la façon que Pierre a reçu ces choses de la part du Saint-Esprit, et ce qui est fondement de notre réflexion aujourd'hui. Le service pour Dieu, étant donné que c'est Dieu que nous servons et que nous sommes appelés à servir, et comme nous avons vu dans 1 Pierre, c'est par sa force que nous servons et ce sont ses grâces que nous dispensons en tant que gérants des grâces infiniment variées de Dieu. Alors, tout service prend son origine, comme la vie même, en Dieu lui-même. Si nous servons et si l'Église existe, c'est parce que c'est Dieu qui a initié l'Église. C'est parce que c'est Dieu qui nous a appelés à lui. C'est parce qu'il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus que nous sommes aujourd'hui à lui et que nous pouvons être dans l'Église et chanter ses louanges. Dieu est l'initiateur de toutes choses. Et c'est aussi lui qui soutient toutes choses et c'est par lui et par sa force que nous sommes. Si nous lisons dans 1 Colossiens chapitre 15, verset 15, il nous dit que toutes choses ont été créées par lui et pour lui, et toutes choses subsistent en lui. Ou Paul, lorsqu'il prêche aux Athéniens, il peut dire c'est en lui que nous avons le mouvement, la respiration et l'être. Donc, toute chose est dépendante de lui et c'est Dieu qui est l'initiateur du service. Et au début, il crée l'homme et il donne à Adam une instruction de ce qu'il doit faire. Il dit ceci, Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden, pour quoi faire ? Mais pour servir, pour le cultiver et le garder. Il y a cette idée de gérance, cette idée de prendre les choses qui lui soient données et les faire fructifier. C'est une pensée qui est extrêmement importante dans le service parce que nous ne servons pas nous-mêmes et nous ne servons pas pour nous mettre en avant. Parce que ce que nous avons et ce que nous pouvons faire, Paul le dit, notre capacité vient de Dieu, est effectivement de lui. Donc, c'est Dieu qui est celui qui nous donne à gérer. Et un gérant, bon, maintenant on peut dire que le gérant c'est le propriétaire d'entreprise, hein? Mais dans la loi, si vous avez un SARL et tout ça qui est le gérant, mais ça veut dire en général c'est celui qui est le propriétaire. Mais si nous sommes les gérants et les intendants, nous gérons ce qui nous a été confié, ce qui nous a été donné par quelqu'un d'autre. Et nous avons la responsabilité de faire en sorte que ce qui nous a été donné ne diminue pas, mais qu'il garde sa valeur, voire augmente. C'est dans ce sens-là que nous sommes les gérants, parce que nous avons reçu de la part de Dieu une grâce Et la parole de Dieu nous demande à ce que nous fructifions ces choses par la force que le Seigneur nous donne. Et lorsque Dieu il donne à Adam d'être dans le jardin, il lui donne une tâche toute simple. La première tâche qu'il avait à faire, c'est de nommer les animaux. Voilà. Ça nous paraît simple, cela nous paraît banal, ça nous paraît peut-être pas grand-chose, mais j'ose dire qu'il n'y a pas de choses banales lorsque nous servons le roi des rois. Il n'y a pas de choses petites lorsque nous sommes au service de Dieu Tout-Puissant. Facilement, nous comparons les tâches des uns des autres. Facilement, nous pouvons mettre un phare comme cette lumière-là qui m'éblouit sur celui qui est sur l'estrade. Et on est dans les rangs, on se dit, mais moi je suis là dans le pénombre, personne ne me voit. Mais finalement, si nous servons pour qu'on se soit vu, c'est un peu dommage. Parce que je peux vous le dire, que celui qui est sur l'estrade, il ne peut rien faire sans celui qui est dans les rangs. Nous faisons partie du même corps. Donc, c'était une tâche de tout à fait banale, nommer les animaux. Et moi, je pense que c'est important que nous ne méprisons pas les tâches que le Seigneur peut nous conduire à avoir et à faire. Parce que lorsque nous sommes fidèles, et la parole de Dieu nous parle, lorsqu'il nous a parlé des serviteurs, lorsque nous sommes fidèles dans les petites choses, le Seigneur nous en confiera davantage. Et on grandit aussi avec la tâche. L'exemple par excellence du serviteur, mais c'est évidemment le Seigneur lui-même. Parce que nous ne devons pas tant modeler nos vies et notre compréhension du service par les hommes ou les femmes que nous voyons. Parce que le plus grand et le plus accompli de serviteur de Dieu humain est et demeure un pécheur, en lui-même, par lui-même. C'est-à-dire, il est loin de la perfection. Il est loin d'être vraiment un modèle impeccable de service. Seul le Seigneur, il est parfait. Seul le Seigneur peut être notre modèle par excellence. Et c'est lui à qui tout serviteur, toute servante du Seigneur doit se mesurer. Et cela est bien, parce qu'en se mesurant à lui, nous sommes tous en porte-à-faux. C'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que cela nous demande de constamment recourir à sa grâce et sa force. Et le Seigneur, il n'est pas avare de cela. Pierre, il dit, servons par la force qu'il nous donne. C'est pas que le Seigneur, il fermera un jour le robinet et dit, ah, débrouille-toi. Jamais de la vie. Il a suffisamment de force, de grâce pour quiconque veut le servir. On ne sera avec lui jamais en panne sèche. C'est-à-dire, nous ne le serons pas lorsque nous irons à lui. C'est peut-être que parfois on pense pouvoir servir par sa propre force et qu'on oublie que finalement c'est au service du Seigneur que nous sommes et on se trouve, comme on l'a chanté, dans le désert. Mais il est là aussi. Le Seigneur lui-même, lorsque nous lisons dans Philippiens, il dit, il a pris une forme de serviteur devenu semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. C'est-à-dire, il se fait à l'image de ce que nous sommes. Il a été un vrai homme parmi les hommes. Et l'humanité dans le service, c'est-à-dire de sentir avec et vivre avec, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Le Seigneur, il aurait pu paraître dans toute sa splendeur et toute sa gloire, nous serions tous terrassés. Mais il a voulu se rendre jusqu'à nous, tels que nous sommes, afin de nous montrer l'amour de Dieu. Et d'être homme parmi les hommes, mais homme avec la grâce et la paix de Dieu, c'est ce qui est le plus important lorsque nous voulons servir le Seigneur. J'ai eu le privilège de servir avec Claude Lust. C'est un monsieur qui a plus de 80 ans aujourd'hui. Et tout le monde disait de lui, effectivement, qu'il était vraiment humain, accessible. Quelqu'un qui avait un cœur, et qu'il est encore, parce qu'il est encore en vie. Je crois que ça, c'est vraiment très, très, très important. Je ne sais pas si cela vous est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé de rencontrer des gens au service du Seigneur qui sont inaccessibles. C'est comme si il tient tous à 2 ou 3 mètres. Et quand tu t'approches d'eux, ils ne te calculent même pas. Et ça m'attriste beaucoup lorsque c'est comme cela. Lorsqu'on devient grand, on se prend le melon parce que le Seigneur nous permet de balayer l'Église. C'est fort, fort dommage. Il faut rester humain et humble pour pouvoir marcher à l'image du Seigneur lui-même, qui ne s'est pas dédaigné de devenir homme afin de toucher les hommes. Et il est dit, car le même le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon de beaucoup. Il n'a pas attendu qu'on le sert. Il n'a pas attendu d'avoir la première place. Il n'a pas attendu d'avoir les honneurs. Les honneurs, il les connaissait déjà. Parce que de toute éternité, il était acclamé et loué dans le ciel. Mais parmi les hommes, il s'est fait un simple homme au service des autres. Notre récompense dans le service du Seigneur est toujours une récompense différée. Si nous attendons à ce que nous allons être honorés parce que nous servons le Seigneur et que lorsque cela ne vient pas, eh bien là, on peut être déçu, on peut être découragé, on peut être fatigué. Mais le Seigneur, il donnera toujours une récompense à ceux et celles qui veulent le servir. Ce n'est pas nécessairement de la part des hommes que cela vient. Parfois, il faut donner et donner beaucoup. Christ, il a donné sa vie en rançon de beaucoup. Il a donné sa vie entière pour servir la cause de Dieu. Et lorsque nous lisons dans Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 12, il nous est dit, mon serviteur, il verra une grande ombre, une grande postérité. Mais au service du Seigneur, ce que nous devons savoir, que très souvent, la récompense vient en différé. Je vous le dis, afin que ne vous ne lassiez pas l'âme découragée. Il est l'exemple type du service. C'est à lui que nous devons nous mesurer, non pas nous mesurer les uns aux autres. Ça, c'est extrêmement important. Il faut que nous sortons de, comment dirais-je, le discours de bac à sable des gamins pour dire qui a le papa le plus fort. Il faut que nous servons tous ensemble, ne nous mesurant à rien d'autre qu'à Christ et à Christ seul. Christ est le serviteur par excellence, mais au fait, Dieu le Père, il envoie son Fils dans le monde, qui envoie le Saint-Esprit, qui envoie le peuple de Dieu, l'Église. Et c'est l'Église qui est appelée à être dans la mission de Dieu comme un instrument privilégié. J'insiste sur ce fait que c'est l'Église, parce que le thème c'était l'Église, une vie de serviteur. L'Église, c'est chacun d'entre nous, lorsque nous marchons de même pas dans la suite du Seigneur, nous sommes tous appelés à faire partie de son corps. C'est là que je dis, nous ne servons jamais seuls. Nous ne servons jamais d'une façon isolée. La tâche des gérantes, comme ça fut le cas pour Adam, nous a aussi été donnée. Il est dit que chacun de vous a reçu un don de la grâce particulière, qu'il exerce au service comme de bons gérants de la grâce infiniment variée de Dieu. Chacun. N'est-ce pas rassurant? Chacun de vous a reçu un don. Ça veut dire que personne d'entre nous n'est exclu. Et c'est aussi pourquoi il est important de ne pas comparer nos services les uns avec les autres. Moi, j'ai fait cette erreur pendant très longtemps. J'ai comparé ce que moi j'avais par rapport à ceux qui étaient sur l'estrade, surtout ceux qui savaient jouer et chanter. Et je me suis toujours senti comme, qu'est-ce que j'ai moi? Qu'est-ce que j'ai moi? Et c'était comme une espèce de traumatisme dans ma vie pendant très longtemps, parce que je ne sais pas chanter, je ne sais pas jouer. Et je voulais faire ça. Et je me suis comparé à eux. À quoi ça sert? Jusqu'à ce que le Seigneur dit, par le biais de mon principal à l'école, « Mais Aurèle, tu as d'autres dons. » Chacun a reçu un don de la grâce particulière. Ça veut dire que tu n'es pas exclu. Même si tu n'es pas en train de prêcher ici sur l'estrade, ce n'est pas que Dieu t'a oublié. Et de la même façon que moi, toi, tu es aussi gérant de ces biens que le Seigneur t'a confiés. Dans mon église, à Rinkeby, c'est un peu comme aller habiter à Aulnay-sous-Bois et Sevran-Bodotte, vous savez, c'est très chaud comme quartier. Mais il y a une femme, elle s'appelle Virginia. Maman Virginia, elle a 72 ans. C'est une femme qui est très pauvre. Par rapport au standard suédois. C'est une réfugiée chilienne qui a dû fuir Pinochet. Si vous avez fait votre histoire, vous avez peut-être entendu parler de Pinochet. Elle s'est convertie et elle est brûlante pour le Seigneur. Et elle sert le Seigneur avec son panier de linge sale. Parce que vous savez, en Suède, c'est un pays socialiste, hein, en sociodémocrate. Et quand on a un ensemble d'immeubles, au milieu, on plante une maison où il y a plein de machines à laver. Comme ça, tout le monde descend et on lave le linge ensemble, on discute, ça devient comme un point de rencontre. Ce n'est pas comme en France où chacun a sa machine à la maison, on rencontre personne. Donc, et là, Virginia, elle vient avec son panier de linge sale. Et en même temps, là, il y a d'autres femmes, et souvent de musulmans. Et là, c'est son plateforme de prédication. Elle partage son témoignage. Elle discute avec les femmes. Elle prie pour ces femmes-là. Elle témoigne du Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un panier de linge sale? Eh bien, on peut servir le Seigneur. Et crois-moi, j'ai le plus grand respect pour Virginia parce que je pense qu'elle fait des choses que moi, je n'arriverai absolument pas faire. Absolument pas. Je ne peux pas faire ce qu'elle fait, elle. Et pourtant, elle n'est pas pasteur de l'Église, mais c'est une servante du Seigneur. Je ne sais pas si toi, tu as un panier de linge sale, mais tu as quelque chose que le Seigneur veut utiliser pour son service. L'Église est la servante de Dieu. Et j'insiste encore sur ce point. Il est important de comprendre que l'individu n'est jamais seul dans la pensée biblique. Les grands personnages de la Bible faisaient toujours partie d'un collectif. On n'est pas fort quand on est seul. L'œuvre de Dieu ne s'est jamais faite par un homme seul. Jésus, dans son incarnation, il n'était pas seul. D'abord, il avait sa famille, ensuite, il avait 12 disciples, plus toutes les autres personnes qui gravitaient autour de lui. Et tant que fils éternel de Dieu, il n'a jamais été seul, parce que c'est une communion éternelle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On ne peut servir que dans la communauté. Même lorsqu'on est dans des points isolés, dans des coins difficiles du monde, on n'est pas seul, parce qu'il y a toujours une base arrière qui prie et qui donne des offrandes. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Nous, nous dépendons les uns des autres comme nous nous dépendons du Seigneur. C'est pour cela que le service nous demande de l'humilité et d'égard vis-à-vis l'autre. Le service de l'Église, c'est quoi le service de l'Église? Mais je ne vais pas commencer à énumérer les différentes choses qu'on peut faire, parce que ce n'est pas là le but aujourd'hui, de faire une liste de tâches à accomplir. Ça on peut dresser facilement. Mais c'est de comprendre l'idée, la pensée de ce que nous sommes appelés à faire. Et l'Église a deux buts. C'est de servir le monde en général, mais c'est un service envers le peuple de Dieu en particulier. Ça, il ne faut jamais oublier. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Parce que si nous ne baptisons pas la communauté, si nous ne sommes pas en train de servir les uns les autres, de fortifier, d'encourager, de prier, d'enseigner, de soutenir et de manifester d'une façon concrète l'amour les uns avec les autres, nous allons être faibles lorsque le Seigneur il veut que nous servons le monde de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Une des grandes faiblesses de cette belle église dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est que c'est une église qui a tout le temps eu une pensée missionnaire. Ce n'est pas ça la faiblesse. Mais on a pensé tout le temps vers ceux qui sont dehors, ceux qui sont dehors, aller évangéliser, aller toucher les gens, aller évangéliser et partager l'évangile avec le musulman. Et tellement la force de toucher les gens dehors a été forte qu'on a oublié de bâtir la communauté. On a oublié de bâtir la communauté. On a oublié de vraiment mettre la force dans la communion fraternelle, de repas fraternels, de prières dans la maison, de petits groupes, de se soutenir et tout ça. Lorsqu'on réunit, c'est pour les prières, c'est pour prier, pour qu'on touche les gens. Et crois-moi, cette église a touché des gens. Je ne sais combien d'églises ont été fondées à partir de Rinkeby International Life Chamling. Toutes les églises arabophones aujourd'hui dans la ville de Stockholm, d'une façon ou d'une autre, à part de quelques exceptions, est sorti de notre église. Mais justement, sorti. Et aujourd'hui, on se trouve à 7 ou 8 personnes au culte. C'est une église qui a un collapse total. Dieu les rétablira. Mais c'est d'abord vers les frères. C'est d'abord vers les frères. Notre témoignage, c'est aimez-vous les uns les autres afin que le monde voit que vous êtes mes disciples. Le service, c'est d'abord servir mes frères et mes sœurs. Et par débordement de grâce, nous servons aussi le monde. Par débordement de l'action et de la puissance de Dieu, nous nous dirigeons vers le monde. Mais si nous sommes fixés uniquement vers le monde, on aura une coquille vide et les gens qui viendront vont vite remarquer qu'il n'y a pas de contenu de nos paroles. Crois-moi, c'est important. La parole de Dieu nous dit, surtout envers les frères et ensuite vers le monde. En revanche, si nous oublions le monde, c'est tout aussi dommageant. Parce que nous allons devenir une communauté nombriliste et qui ne pensons qu'à nos propres besoins. Mais l'Église est aussi là pour travailler pour ceux qui n'en font pas encore partie. Donc, il faut un équilibre entre ces choses. Donc, le service est pour le monde, mais le service est d'abord et avant tout pour les frères, de se soutenir dans la prière. Donc, l'Église, au service du Seigneur, c'est aussi... ça ne veut plus avancer. Voilà. C'est on sert pour par amour et compassion. Dans les grâces infiniment variées de Dieu, il y a l'amour et la compassion, et c'est une expression. La compassion, c'est une expression d'amour qui est plus fort que simplement un sentiment. C'est vraiment de pleurer et souffrir avec ceux qui pleurent, mais c'est autant de se réjouir avec celui qui s'est réjoui. Ce n'est pas de la sympathie. C'est beaucoup plus fort. C'est une action concrète en faveur de celui qui souffre. Le frère d'abord, le monde ensuite. Action concrète. Qu'est-ce que c'est que ces actions concrètes? Là aussi, je pourrais vous énumérer un tas de choses. des actions concrètes, j'en ai fait avec mes amis des porteurs d'espoir depuis des années. Les porteurs, ils vont fêter 15 ans d'existence aujourd'hui. Actions concrètes envers des familles perdues, primo-arrivants qui viennent sans rien. On pourrait énumérer, mais je ne sais pas ce que le Seigneur met dans ton cœur. Ce que je vais aussi vous dire, c'est que ce qui nous qualifie en tant que serviteur, est-ce que moi je suis qualifié pour le servir? Non, tu ne l'es pas. Donc c'est pour cela que tu peux arrêter d'essayer. Nous ne sommes pas qualifiés, c'est le Seigneur qui nous qualifie. C'est le Seigneur qui nous donne la force. Donc on est tous qualifiés en même temps que nous sommes tous disqualifiés en nous-mêmes et par nous-mêmes. Mais le Seigneur nous appelle et nous prenne afin que nous le servons. Ça veut dire que tu n'es pas exclu. Ce qui qualifie le Seigneur, c'est son dévouement et que sa motivation ultime est en Dieu. La seule chose qui nous qualifie, c'est qu'est-ce qui nous motive? Est-ce que notre motivation ultime et notre dévouement est pour lui? C'est le Seigneur que je sers lorsque je sers mon frère. C'est le Seigneur que je sers lorsque je sers la personne. Par exemple, clochard dans la rue. C'est le Seigneur que je sers. Et d'ailleurs, c'est la seule chose qui nous permet de tenir jusqu'à la fin. Paul, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est parce qu'il savait que son service, il le faisait pour Dieu. Parce que si je sers les hommes et les hommes ne sont pas reconnaissants envers moi, je vais être déçu. Et croyez-moi, lorsqu'on sert le Seigneur, on n'aura pas toujours la reconnaissance des hommes. Un vieux pasteur m'a dit ceci, on reconnaît un vrai serviteur de Dieu par ses cicatrices. Ce que le diable donne devant et ce que les chrétiens donnent par derrière. Tous les combattants portent des cicatrices. Parce que nous sommes des pécheurs, on se fait souvent mal les uns les autres. Parfois parce qu'on veut et parfois parce qu'on est tout simplement bête. Mais ce qui est important, c'est que de savoir que ce que je vis, lorsque je sers le Seigneur, je le fais pour lui, par lui. Et lui, il est la motivation ultime de ce que je fais. Parce que ça tient jusqu'au bout, qu'on peut le dire, l'apôtre Paul. Et aussi, notre service pour le Seigneur n'est pas tant déterminé par ce que je fais, l'activité, que par l'attitude que j'ai. Et j'ai presque fini. L'attitude que j'ai fait, c'est ça qui compte. Ça ne compte pas si je débouche les toilettes, que je balaye la salle ou que je suis en train de prêcher sur l'estrade. Et crois-moi, j'ai débouché les toilettes. Il n'y a pas une église, à part celle-là pour l'instant, où je n'ai pas été à genoux devant le trône. Ce n'est pas le trône de Dieu. C'est les toilettes pour les déboucher. Il n'y a pas de salle où je n'ai pas débouché les toilettes. Ou que je n'ai pas balayé, ou je n'ai pas été sur l'estrade. Ce n'est pas ça qui compte, c'est l'attitude. C'est l'attitude. Et quoi que vous fassiez en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui action de grâce. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, pour le Seigneur et non pour les hommes. Parce que si vous travaillez pour les hommes, vous allez être déçus, mais le Seigneur ne vous desservera jamais. Même si tu ne fais que déboucher les toilettes du matin au soir. Ce n'est pas une punition, c'est un service pour Dieu. Sachant que vous recevez du Seigneur pour récompense un héritage. Servez Christ et le Seigneur. Christ le Seigneur. Donc, j'ose dire qu'il n'y a pas deux catégories de croyants, ceux qui servent et ceux qui travaillent pour autre chose. Néanmoins, il y a deux catégories de serviteurs, ceux qui sont conscients de leur service et ceux qui ne le sont pas encore. Moi, je prêche l'Évangile depuis 84, mais je sais le Seigneur depuis 38 ans. Nuance. Je prêche l'Évangile depuis 84, mais je sers le Seigneur depuis 81. Parce que je n'ai pas commencé à servir le Seigneur le jour où je commençais à prêcher. J'ai commencé à servir le Seigneur le jour où je me suis converti. C'est là que je suis devenu son serviteur tout simple, dans la chorale, jouant le trombone, dans le big band de l'église, faisant de toutes sortes de choses. Et oui, je sais jouer, enfin, je savais jouer le trombone. Il y a quelqu'un qui rigole, là. On avait un sacré big band dans notre église. On se marrait comme des fous. Donc, c'est pour cela que le service, ce n'est pas une activité, c'est une conscience. Le service pour la gloire de Dieu, j'ose le dire aussi, n'est pas une option, mais c'est la vie même du croyant. Être au service du Seigneur, c'est comme respirer. C'est juste essentiel. Et ce que je fais en parole et en acte, je le fais pour le Seigneur. C'est pour cela que, mes amis, vous êtes au service du Seigneur, mais vous n'êtes peut-être pas encore très conscient de ce fait-là, et j'aimerais que vous le soyez vraiment. Donc, l'œuvre de Dieu est réalisée toujours par un ensemble d'hommes ou de personnes qui sont résolus d'agir d'un commun accord. Et ensemble, nous sommes des serviteurs du changement que Dieu veut dans le monde et dans la vie des hommes. C'est ensemble. Et si nous agissons ainsi, le Seigneur, il nous soutiendra. Donc, une vie de service, oui, du jour où mon cœur est changé, jusqu'à mon dernier souffle, je suis au service du Seigneur. Et cela n'a rien à voir avec ce que je fais ici sur l'estrade. Parce que demain, peut-être, j'ai à déboucher les toilettes. Et même là, je suis au service du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Seigneur, tu connais nos cœurs et tu connais nos pensées. Et je te prie que tu puisses nous interpeller, que tu puisses, Seigneur, nous permettre de croire que tu veux te servir de nous, que tu veux nous appeler à peut-être des tâches particulières, mais tant que ce n'est pas clair, Seigneur, donne-nous simplement à te servir avec ce que nous avons sous la main, comme Virginia avec son panier de linge sale te sert, Seigneur. Tu nous as donné un don particulier et tu nous demandes d'être des gérants de tes grâces infiniment variées. Je te prie, Seigneur, encourage nos cœurs et donne-nous, Seigneur, de quoi que tu veux nous qualifier, nous appeler à une vie de service pour les frères d'abord et pour le monde ensuite, pour que, Seigneur, ce monde verra que tu es Dieu et que toi, tu désires que tout le monde puisse ouvrir les yeux et te recevoir. Parce que tu dis, Seigneur, toi-même, que tu n'es pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ta vie en rançon d'un grand nombre de personnes. Merci, Seigneur, d'être avec nous ce matin. Amen. Nous allons passer à la Sainte Cène. Et je vais demander aux frères de venir m'assister. Merci. J'ai l'habitude de dire que nous passons de la parole de grâce à la table de la grâce. Et aujourd'hui, j'espère que cette parole que je vous ai partagée ne porte sur vous aucune condamnation. Si toutefois ce serait le cas, je me réponds humblement devant vous et je vous demande pardon. Parce que mon but, c'est de votre édification, c'est votre force et c'est de votre joie. Et il est pareil avec la table de la Sainte Cène. Ce n'est pas une table de condamnation ou de jugement. C'est plutôt un symbole d'un jugement qui a été accompli une fois pour toutes. Car le pain et le vin nous rappelle le sacrifice accompli de Christ à la croix. Lui qui a non seulement effacer nos péchés, il les a liquidés. La différence